Bienvenue chez vous, tout autant que vous êtes. Je vous accueille tous, ma bienveillance est avec vous et je vous embrasse. J'espère ne pas décevoir, c'est la première fois qu'on se voit. Ah oui, c'est vrai, à quel endroit c'était? Ah oui, je m'en souviens maintenant, c'était à l'anniversaire de Jean-Paul. Je ne m'en souviens plus du tout, mais je fais comme si aucun élément provenant du flow de son discours ne me rappelait ne serait-ce que l'once d'un souvenir, comme si c'était le vide en moi. Comme si j'avais tout oublié. Malgré tout, il faut espérer. Comme si c'était le vide en moi. Malgré tout, il faut espérer. Admettons que je me souvienne de vous. Je vous propose la totale, la bavette à la levrette, sans une échalote. Mais si vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas à demander. Nous avons aussi des moules marinières, avec tellement de moucrènes que ça n'en finit plus de dégouliner. Miam. Si vous voulez, vous pouvez chapeauter le tout d'une cigarette russe accompagnée, à votre goût, de boules de glace, pour vous complaire de mon beau sourire, tout pour vous faire plaisir. Comme si c'était le vide en moi. Comme si j'avais tout oublié. Malgré tout, il faut espérer. Comme si j'avais tout oublié. Malgré tout, il faut espérer. Des girls make you rock off comme in a the shower. Me back off, me pants and me pull over. Des girls drop the soap and she bend over. Just dock the ship and drop the anchor. Des girls she a scream and a beg and a holler. I said the man rock off push a little further. When me push go further she might be murder. At that time me know set all over. So, mais je ne me suis pas envolé. Je prends juste de la hauteur. I'm high, I'm high, I'm high, I'm high. So high. Oh, I'm down, down, so down. Ah, so dead. Perhaps. Perhaps, perhaps. Comme si j'avais tout oublié. Malgré tout, il faut espérer. Oh, mais je ne me suis pas envolée. Je crois que je vais plonger. Je vais me vautrer dans le stupre. Et la purification. Malgré tout, il faut espérer. Oh, I'm down, I'm down, I'm down. So down, so dead, oh, so perhaps. Dead. Perhaps, perhaps. The girl beg the rock off, he come in at the shower. Me back off, me pants and me pull over. The girl drop the soap and she bend over. Just dock the ship and drop the anchor. The girl she a scream and a beg and a holler. I said the man rock off, push a little further. When me push go further, she bawl for murder. At that time, me know sex all over. So, comme si j'avais tout oublié. Malgré tout, il faut espérer. Mais je ne me suis pas envolée. Je prends juste de la hauteur. I'm high, I'm high, I'm high, I'm high. So high. What? Malgré tout, il faut espérer. Oh, I'm down, I'm down, down, so down.